يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء، الإمام ابن القيم رحمه الله دي dans son livre La maladie et le remède, الإلحاح من أسباب الإجابة. L'insistance, le fait d'insister dans l'invocation, fait partie des causes de l'exaucement de l'invocation. ومن أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء. Et parmi les meilleurs remèdes, les meilleurs traitements bénéfiques, c'est l'insistance dans l'invocation. وقد روى ابن ماجة في سننه من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. Il a été rapporté par Ibn Majah dans ses sunan du hadith de Abi Huraira qui a dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. Quiconque n'invoque pas Allah, Allah se met en colère contre lui. Et le hadith est Hassan et il a été authentifié par l'imam Al-Albani رحمه الله dans Sahih al-Tirmidhi.